28. Je ne ridais pas plus mon front à cette pensée que pour une autre. Il est impossible que nous ne sentions pas d'entrée de jeu l'aiguillon de ces idées-là. Mais en les manipulant et les ressassant à la longue, on finit sans doute par les apprivoiser, car sinon, en ce qui me concerne, j'eusse été continuellement effrayé et agité. Jamais homme ne se défia tant de sa vie, jamais homme ne se fit d'illusions sur sa durée. La santé dont j'ai joui jusqu'à présent, solide et rarement en défaut, ne me l'allonge pas plus que les maladies ne la raccourcissent. À chaque instant, il me semble défaillir. Et je me répète sans cesse que tout ce qui peut être fait un autre jour le peut être dès aujourd'hui. En fait, les hasards de l'existence et ses dangers ne nous rapprochent que peu ou même pas du tout de notre fin. Et si nous songeons un instant à combien il en reste de millions d'autres suspendus au-dessus de notre tête, en plus de celui qui semble nous menacer le plus, nous trouverons que vigoureux ou fiévreux, sur mer comme dans nos maisons, dans la bataille comme dans la paix, elle nous est également proche. Aucun homme n'est plus fragile que son voisin, aucun n'est plus assuré du lendemain. Sénèque. 29. Pour achever ce que j'ai à faire avant de mourir, le temps me paraît toujours trop court, même une heure. Feuilletant l'autre jour mes papiers, quelqu'un trouva une note sur quelque chose que je voulais que l'on fît après ma mort. Je lui dis, et c'était la vérité, que n'étant qu'à une lieue de ma maison, vif et en bonne santé, je m'étais hâté de l'écrire là, n'étant pas sûr d'arriver jusque chez moi. Je suis un homme enveloppé par ses pensées et qui en même temps les enferme en lui. Je suis donc à tout instant préparé autant que je puis l'être, et la mort, si elle survient, ne m'apprendra rien de plus. 30. Il faut toujours avoir ses bottes aux pieds, être prêt à partir, autant que faire se peut, et surtout veiller à ce qu'en cet instant on n'ait à s'occuper que de soi. Pourquoi, infatigables que nous sommes, dans une vie bien courte, former tant de projets? Horace. Car nous aurons alors bien assez à faire pour ne pas y avoir besoin d'un surcroît. Tel se plaint plus que de la mort, de ce qu'il est privé d'une belle victoire, tel autre qu'il lui faut s'en aller sans avoir marié sa fille ou surveiller l'éducation de ses enfants. L'un regrette la compagnie de sa femme, l'autre celle de son fils, qui faisait les agréments essentiels de leur existence. 31. Je suis pour l'heure dans un état tel, Dieu merci, que je puis m'en aller quand il lui plaira, sans regretter quoi que ce soit. Je dénoue tout ce qui m'attache. Mes adieux sont presque faits, sauf pour moi. Jamais homme ne se prépara à quitter le monde plus simplement et plus complètement, et ne s'en détacha plus universellement que je ne m'efforce de le faire. Les morts les plus mortes sont les plus saines. Malheureux, ô malheureux que je suis, disent-ils, un seul jour m'enlève tous mes biens et tant de charmes de la vie. Lucrèce. Et le bâtisseur, mes œuvres demeurent inachevées, énormes murs qui menacent ruine. Virgile. 32. Il ne faut pas faire de projets de si longue haleine, ou du moins avec tant d'ardeur que l'on souffrira de ne pas en voir la fin. Nous sommes nés pour agir. Quand je mourrai, que je sois surpris au milieu de mon travail. Ovide. Je veux qu'on agisse et qu'on allonge les tâches de la vie autant qu'on le peut. Je veux que la mort me trouve en train de planter mes choux, sans me soucier d'elle, et encore moins de mon jardin inachevé. J'en ai vu mourir un qui, étant à la dernière extrémité, se plaignait constamment de ce que sa destinée coupait le fil de l'histoire qu'il tenait prête sur le 15e ou 16e de nos rois. On n'ajoute pas, et le regret de tous ses biens ne te suit pas, et ne demeure pas attaché à tes restes. Lucrèce. 33. Il faut se défaire de ces idées vulgaires et nuisibles. De même qu'on a mis les cimetières auprès des églises et dans les lieux les plus fréquentés de la ville, pour accoutumer, disait Lycurgue, le peuple, les femmes et les enfants à ne pas s'effaroucher devant un homme mort, et afin que le spectacle continuel d'ossements, de tombeaux et de convois funèbres nous rappelle notre condition. Bien plus, c'était la coutume jadis d'égayer les festins par des meurtres, d'y mêler le cruel spectacle des combats de gladiateurs, qui souvent tombaient jusque sur les coupes et inondaient les tables de sang. Silius Italicus. 34. Les Égyptiens, après leur festin, faisaient présenter aux convives une grande image de la mort par quelqu'un qui criait « Bois, réjouis-toi, car voilà comment tu seras quand tu seras mort. » Aussi ai-je pris moi-même l'habitude d'avoir continuellement la mort présente, non seulement dans mon imagination, mais aussi à la bouche. Et il n'est rien dont je m'informe aussi volontiers que de la mort des gens. Quelles paroles ils ont proférées, quel visage et quelle contenance ils y ont eu, et ce sont les passages que je scrute le plus dans les histoires. On voit bien par les exemples dont je farcis mon texte que j'ai une affection particulière pour ce sujet. Si j'étais un faiseur de livres, je ferais un registre commenté des morts de toutes sortes. Qui apprendrait aux hommes à mourir, leur apprendrait à vivre ? Dicéarque en fit un de ce genre, mais à une autre fin et moins utile. 35. On me dira que la réalité de la mort dépasse tellement l'imagination qu'il n'y a pas d'escrime, si belle soit-elle, qui ne se montre dérisoire quand on en arrive là. Mais laissons dire ces gens-là. La méditation préalable offre à coup sûr de grands avantages. Et puis encore, est-ce rien d'arriver au moins jusque-là sans encombre et sans trouble ? Mais il y a plus encore. La nature elle-même nous tend la main et nous encourage. S'il s'agit d'une mort courte et violente, nous n'avons pas le temps de la craindre. Et si elle est différente, je m'aperçois qu'au fur et à mesure que je m'enfonce dans la maladie, je me mets naturellement à éprouver du dédain envers la vie. Je me rends compte qu'il m'est bien plus difficile de me faire à cette acceptation de la mort quand je suis en bonne santé que quand je vais mal. Et comme je ne tiens plus autant aux agréments de la vie, dès lors que je commence à en perdre l'usage et n'en éprouve plus de plaisir, je trouve de ce fait la mort beaucoup moins effrayante. 36. Cela me fait espérer que plus je m'éloignerai de celle-là et plus je m'approcherai de celle-ci, plus je m'accommoderai facilement d'échanger l'une pour l'autre. De même que j'ai éprouvé en plusieurs occasions ce que dit César, que les choses nous paraissent souvent plus grandes de loin que de près, ainsi j'ai constaté que quand j'étais en bonne santé, j'éprouvais une horreur bien plus grande à l'égard des maladies que lorsque j'en étais atteint. L'allégresse dans laquelle je suis, le plaisir et la force que je ressens, me font paraître l'autre état si disproportionné à celui-ci que par imagination je grossis de moitié ses désagréments et les trouve bien plus pénibles que quand je les ai sur les épaules. J'espère qu'il en sera de même pour moi de la mort. 37. Observons par ces changements et déclins ordinaires que nous subissons comment la nature nous dissimule la vue de notre perte et de notre déchéance. Que reste-t-il à un vieillard de la vigueur de sa jeunesse et de sa vie passée ? Hélas, quelle part de vie reste-t-il au vieillard ? Pseudo-Gallus. 38. À un soldat de sa garde, épuisé et abîmé, qui était venu lui demander la permission de mettre fin à ses jours, César répondit « Tu penses donc être en vie ?» Si nous tombions tout à coup dans l'état sénile, je ne crois pas que nous serions capables de supporter un tel changement, mais conduits par la main de la nature, par une pente douce et comme insensible, peu à peu, de degré en degré, elle nous enveloppe dans ce misérable état et nous y apprivoise. Aussi ne sentons-nous aucune secousse quand la jeunesse meurt en nous, ce qui est véritablement une mort plus cruelle que n'est la mort complète d'une vie languissante, et que n'est la mort de la vieillesse. Car le saut du mal-être au non-être n'est pas aussi grand que celui d'un être doux et florissant à un état pénible et douloureux. 39. Notre corps courbé et plié en deux a moins de force pour soutenir un fardeau, notre âme aussi. Il faut la redresser et l'opposer à l'effort de cet adversaire, car s'il est impossible qu'elle trouve le repos pendant qu'elle est sous sa menace, si elle se raffermit au contraire, elle peut se vanter, ce qui est, pour ainsi dire, au-delà de notre condition humaine, de ne pas trouver en elle l'inquiétude, les tourments et la peur, ou même le moindre des plaisirs. Rien n'ébranle sa fermeté, ni le visage menaçant d'un tyran, ni l'austère faisant rage en mer Adriatique, ni Jupiter à la main porte-foudre. Horace. 40. Ainsi l'âme devient-elle maîtresse de ses passions et de ses concupiscences, elle domine le besoin, la honte, la pauvreté et toutes les autres injustices du sort. Profitons de cet avantage si nous le pouvons, c'est la vraie et souveraine liberté, celle qui nous permet de braver la force, l'injustice et de nous moquer des prisons et des chaînes. Fers aux pieds et aux mains, je te ferai garder par un geôlier farouche. Un dieu m'affranchira, dis plutôt, je mourrai, en la mort tout fini. Horace. 41. Notre religion n'a pas eu de fondement humain plus sûr que le mépris de la vie. La raison elle-même nous y conduit. Pourquoi redouter de perdre une chose qui, une fois perdue, ne peut plus être regrettée? Mais de plus, puisque nous sommes menacés de tant de sortes de morts, ne vaut-il pas mieux en affronter une que les craindre toutes? Qu'est-ce que cela peut bien nous faire de savoir quand elle arrivera, puisqu'elle est inévitable? À celui qui disait à Socrate « Les 30 tyrans t'ont condamné à mort », il répondit « Eux, c'est la nature ». 42. Qu'il est sot de nous tourmenter à propos du moment où nous serons dispensés de tout tourment. C'est par notre naissance que toutes choses sont nées. De même, la mort fera mourir toutes choses. Il est donc aussi fou de pleurer parce que nous ne vivrons pas dans 100 ans que de pleurer parce que nous n'y vivions pas il y a 100 ans. La mort est l'origine d'une autre vie. Il nous en coûta d'entrer en celle-ci et nous en avons pleuré, car nous avons dû dépouiller notre ancien voile en y entrant. 43. Rien ne peut être vraiment pénible si cela n'a lieu qu'une seule fois. Y a-t-il une raison de craindre si longtemps quelque chose qui dure aussi peu? Vivre longtemps ou peu de temps, c'est tout un au regard de la mort, car ni le long ni le court ne peuvent s'appliquer aux choses qui ne sont plus. Aristote dit qu'il y a sur la rivière Hypanis de petites bêtes qui ne vivent qu'un jour. Celle qui meurt à 8 heures du matin, elle meurt dans sa jeunesse, celle qui meurt à 5 heures du soir meurt en sa décrépitude. Qui ne se moquerait de voir tenir pour un bonheur ou un malheur un moment aussi court? Et si nous comparons cela à l'éternité, à la durée des montagnes, des étoiles, des arbres et même de certains animaux, un peu plus ou un peu moins de vie, c'est aussi ridicule. 44. La nature, d'ailleurs, nous y contraint. Sortez, dit-elle, de ce monde comme vous y êtes entrés. Le passage qui fut le vôtre de la mort à la vie, sans souffrance et sans frayeur, refaites-le de la vie à la mort. Votre mort est l'un des éléments de l'édifice de l'univers. C'est un élément de la vie du monde. Les mortels qui se sont transmis entre eux la vie sont pareils aux coureurs se passant un flambeau. Lucrèce. 45. Pourquoi changerais-je pour vous ce bel agencement des choses? La mort est la condition de votre création. Elle fait partie de vous, et en la fuyant, vous vous fuyez vous-même. Cette existence dont vous jouissez appartient également à la mort et à la vie. Le jour de votre naissance est le premier pas sur le chemin qui vous mène à la mort aussi bien qu'à la vie. La première heure, en la donnant, entame la vie, Sénèque. En naissant, nous mourrons, la fin vient du début. Manilius. 46. Tout ce que vous vivez, vous le dérobez à la vie, c'est à ses dépens. L'ouvrage continuel de votre vie, c'est de bâtir la mort. Vous êtes dans la mort pendant que vous êtes en vie, puisque vous êtes au-delà de la mort quand vous n'êtes plus en vie. Ou, si vous préférez ainsi, vous êtes mort après la vie, mais pendant la vie même, vous êtes mourant. Et la mort affecte bien plus brutalement le mourant que le mort, plus vivement et plus profondément. Si vous avez tiré profit de la vie, vous devez en être repu. Allez-vous-en satisfait. Pourquoi ne sors-tu pas de la vie en convive rassasié? Lucrèce. 47. Si vous n'avez pas su en profiter, si elle vous a été inutile, que peut bien vous faire de l'avoir perdue? À quoi bon la vouloir encore? Pourquoi donc cherches-tu à prolonger un temps que tu perdras toujours et achèveras sans fruit ? Lucrèce. La vie n'est en elle-même ni bien ni mal. Le bien et le mal y ont la place que vous leur y donnez. Et si vous avez vécu ne serait-ce qu'un seul jour, vous avez tout vu. Un jour est égal à tous les autres. Il n'y a point d'autre lumière ni d'autre nuit. Ce soleil, cette lune, les étoiles, cette ordonnance du monde, c'est de cela même que vos aïeux ont joui et qui s'offrira à vos petits-enfants. Vos pères n'en ont pas vu d'autres, vos fils n'en verront pas non plus. Manilius. 48. Et de toute façon, la distribution et la variété des actes de ma comédie se présentent en une année. Avez-vous remarqué que le mouvement de mes quatre saisons embrasse l'enfance, l'adolescence, l'âge mûr et la vieillesse du monde? Quand il a fait son tour, il ne sait rien faire d'autre que recommencer. Il en sera toujours ainsi. Nous tournons dans un cercle où nous restons toujours. Lucrèce. Et sur ses propres pas, l'année roule sur elle-même. Virgile. Je ne suis pas d'avis de vous forger de nouveaux passe-temps. Je n'ai plus rien pour toi que je puisse inventer, et de nouveaux plaisirs seront toujours les mêmes. Lucrèce. 49. Faites de la place aux autres comme les autres en ont fait pour vous. L'égalité est le fondement de l'équité. Qui peut se plaindre d'être inclus dans un tout où tout le monde est inclus? Vous aurez beau vivre, vous ne réduirez pas le temps durant lequel vous serez mort. Cela n'est rien en regard de lui. Vous serez dans cet état qui vous fait peur aussi longtemps que si vous étiez mort en nourrice. Enclos dans une vie autant de siècles que tu veux, la mort n'en restera pas moins éternelle. Lucrèce. Je vous mettrai dans une situation à laquelle vous ne verrez aucun inconvénient. Ne sais-tu pas que la mort ne laissera aucun autre toi-même, vivant et debout, déplorer sa propre perte ? Lucrèce. 50. Et vous ne désirez même plus la vie que vous regrettez tant. Nul, en effet, ne songe en sa vie à soi-même, et nul regret de nous ne vient nous affliger. Lucrèce. La mort est moins à craindre que rien, s'il peut y avoir quelque chose de moins que rien. Elle ne nous concerne ni mort ni vivant. Vivant, puisque vous existez, et mort, puisque vous n'existez plus. Personne ne meurt avant son heure. Le temps que vous abandonnez n'était pas plus le vôtre que celui d'avant votre naissance. Il ne vous concerne pas plus que lui. Considère en effet qu'ils ne sont rien pour nous, ces moments abolis d'avant l'éternité. Lucrèce. 51. À quelque moment que votre vie s'achève, elle y est tout entière. La valeur de la vie ne réside pas dans la durée, mais dans ce qu'on en a fait. Tel a vécu longtemps qui a pourtant peu vécu. Accordez-lui toute votre attention pendant qu'elle est en vous. Que vous ayez assez vécu dépend de votre volonté, pas du nombre de vos années. Pensiez-vous ne jamais arriver là où vous alliez sans cesse? Il n'est pas de chemin qui n'ait d'issue. Et si la compagnie peut vous aider, le monde ne va-t-il pas du même train que vous? Toutes choses vous suivront dans la mort. Lucrèce. 52. Tout ne va-t-il pas du même mouvement que le vôtre? Y a-t-il quelque chose qui ne vieillisse pas en même temps que vous? 1000 hommes, 1000 animaux et 1000 autres créatures meurent à l'instant même où vous mourrez. Car et la nuit au jour et le jour à la nuit n'ont jamais succédé qu'on entende mêlés à des vagissements le bruit des morts qu'on pleure et de leurs funérailles. Lucrèce. 53. À quoi bon reculer devant la mort si vous ne pouvez vous y soustraire? Vous en avez bien vu qui se sont bien trouvés de mourir, échappant ainsi à de grandes misères. Mais quelqu'un qui n'y ait trouvé son compte, en avez-vous vu? C'est vraiment d'une grande sottise que de condamner une chose que vous n'avez pas éprouvée, ni par vous-même, ni par l'entremise d'un autre. Pourquoi te plaindre de moi et de ta destinée? Te faisons-nous du tort? Est-ce à toi de nous gouverner ou à nous de le faire de toi? Même si ton âge n'a pas atteint son terme, ta vie, elle, est achevé. Un petit homme est un homme complet comme l'est un grand. 54. Il n'y a pas d'instrument pour mesurer les hommes ni leur vie. Chiron refusa l'immortalité quand il eut connaissance des conditions qui y étaient mises par le dieu même du temps et de la durée, Saturne, son père. Imaginez combien une vie éternelle serait plus difficile à supporter pour l'homme et plus pénible que celle que je lui ai donnée. Si vous ne disposiez de la mort, vous me maudiriez sans cesse de vous en avoir privé. J'y ai à bon escient mêlé quelque peu d'amertume pour vous dissuader, voyant la commodité de son usage, de l'adopter trop avidement et sans discernement. Pour vous maintenir dans cette modération que j'attends de vous, ne pas fuir la vie, ne pas reculer devant la mort, j'ai tempéré l'une et l'autre entre douceur et aigreur. 55. J'ai enseigné à Thalès, le premier de vos sages, que vivre et mourir étaient équivalents. C'est pour cela que, à celui qui lui demanda pourquoi donc il ne mourait pas, il répondit très sagement, parce que cela n'a pas de sens. L'eau, la terre, l'air, le feu et les autres éléments qui forment mon édifice ne sont pas plus les instruments de ta vie que ceux de ta mort. Pourquoi craindre ton dernier jour? Il ne donne pas plus de sens à ta mort que chacun des autres. Ce n'est pas le dernier pas fait qui cause la lassitude, il la révèle seulement. Tous les jours mènent à la mort, le dernier y parvient. 56. Voilà les bons conseils de notre mère, la nature. J'ai pensé souvent à cela. Comment se fait-il que dans les guerres, le visage de la mort, qu'il s'agisse de nous ou qu'il s'agisse d'autrui, nous semble sans comparaison moins effroyable que dans nos propres maisons? C'est qu'autrement, ce ne serait qu'une armée de médecins et de pleurnichards. Je me suis demandé aussi, la mort étant toujours elle-même, comment il se faisait qu'il y ait beaucoup plus de sérénité parmi les villageois et les gens de basse condition que chez les autres. Je crois en vérité que ce sont les mines que nous prenons et les cérémonies effroyables dont nous l'entourons qui nous font plus de peur qu'elles-mêmes. 57. Une toute nouvelle façon de vivre, les cris des mères, des femmes et des enfants, la visite de personnes stupéfaites et émues, l'assistance de nombreux valets, pâles et éplorés, une chambre obscure, des cierges allumés, notre chevet assiégé par des médecins et des prêcheurs, en somme, effroi et horreur tout autour de nous. Nous voilà déjà ensevelis et enterrés. Les enfants ont peur même de leurs amis quand ils les voient masqués. De même pour nous, il faut ôter le masque, aussi bien des choses que des personnes. Quand il sera ôté, nous ne trouverons dessous que cette même mort par laquelle un valet ou une simple chambrière passèrent dernièrement sans peur. Heureuse la mort qui ne laisse pas le temps d'une telle mascarade. Ici se termine, philosopher, c'est apprendre à mourir. Michel de Montaigne.